que le sourire étincelant. Le néant crève l'écran. Toi tu es plus chez Papier Mutuel pour savoir si tu peux soigner une dent. Car par l'ouest terme de la vie,